Wesh Mino, qu'est-ce que tu fais le cul assis à l'entrée de ton quartier, déguisé en Lacoste, en poste, accroché à ta sacoche? On dirait que tu attends qu'on t'accoste. Tu es devenu un cliché, c'est ça que tu voulais? Tout le monde te regarde par la fente des volets. Arrête de tchatcher, de chercher des excuses. Plus tu restes assis, et plus on t'accuse. C'est pas vrai, y a pas de génération à sacrifier. Nous aussi, petits, on nous a condamnés. Nous aussi, on en voulait à tous les bourges qui passaient. Quoi, la drogue? On pourrait t'en parler, allez, bouge tes fesses, ça, pas la peine de chialer. Fais honneur à ta jeunesse, montre qui tu es. Arrête de tchatcher, de chercher des excuses. Tu risques de te planter, tu as des idées confuses. Oh Mino, je t'ai vu naître, courir sous ma fenêtre. Te voir grandir, c'était ma raison d'être. Je me suis fait bouffer par cette vie de traître. J'ai dû comparaître avant de disparaître. 5 ans plus tard, j'ai du mal à te reconnaître. Allez, bouge, fais pas ton farouche. Arrête de gober les mouches. T'as l'âge pas Scarface. Remets un sourire sur ta face, trace. Arrête de tchatcher, de chercher des excuses. T'as des capacités, la vérité t'abuse. Et demande au grand frère, il va te raconter les vacances en enfer dans le pénitencier, les tâches indélébiles au fond de son casier, le hachement pour sa mère, des larmes pour son père, et toutes ces années foutues en l'air. Arrête de tchatcher, de chercher des excuses. Plus tu restes assis, et plus on t'accuse. Arrête de tchatcher, de chercher des excuses. On est tous à la même enseigne, de Marseille à Syracuse. Marseille à Syracuse.